JF et Paul Bordelot. Bonjour à vous deux. Salut. Salut, salut. Également, le directeur général du Festival de la BD francophone de Québec, Thomas Ducôté. Bonjour. Bonjour. Alors, je disais, en fait, ça s'inscrit dans une longue collaboration. Ce livre, en fait, c'était un peu la cinquième année de collaboration avec Lyon BD. Qu'est-ce qui a orienté, qu'est-ce qui a mené vers le choix de ce type de projet-là pour cette nouvelle collaboration? La collaboration avec Lyon BD a commencé en 2011, dans le fond, sur une volonté de à la base de présenter la bande dessinée québécoise à Lyon. Et il y a vraiment une volonté de réciprocité qui s'est mise en place après ça sur différents projets. Donc, on a travaillé principalement jusqu'à maintenant sur des projets de spectacle, donc spectacle vivant qui est souvent avec l'impro BD. On a fait aussi un spectacle de lecture de bande dessinée. Et pour cette cinquième année, on avait la volonté, dans le fond, d'aller plus vers un échange entre des auteurs pour faire une suite aussi à un projet que Lyon BD a qui s'appelle Webtrip, donc qui réunit des créateurs de différents horizons. Donc là, on avait décidé pour cette cinquième année-là d'aller vers Correspondance, un projet qui regroupe quatre auteurs québécois et quatre auteurs français. Et l'idée, en fait, c'est d'un apprentissage croisé, dans le fond? Bien, c'était l'idée de départ, c'était d'aller sur une base un peu comme les correspondances qu'on avait lorsqu'on était jeune. Donc, on s'envoyait des lettres, on se posait des questions, on se répondait, mais de le faire de façon graphique avec des auteurs qui s'envoient des questions ou des réflexions, mais en forme de bande dessinée. Et Thomas Ducôté vous a approché, j'imagine, JF Paul Bordelot, avec ce projet-là. Comment on reçoit? Qu'est-ce qui vous a donné envie d'embarquer dans ce quatrième web trip? Ben, en fait, oui, quand Thomas-Louis nous a parlé de ça, on a tout de suite embarqué dans le projet parce que, dans le fond, c'est une expérience. Hein, on ne savait pas à quoi s'attendre, on ne savait pas quelle forme ça allait prendre exactement. Donc, on s'est dit aussi bien d'expérimenter et d'essayer quelque chose de différent, se mettre en danger un peu. Oui, parce qu'il y a une dynamique un peu de sans filet dans la mesure où l'expérience se bâtit en fonction des échanges, en fonction de la complicité qui va s'installer entre les auteurs participants. Oui, ben c'était un beau match aussi, je trouve, avec les auteurs de là-bas. On n'aurait pas su au départ qu'est-ce qu'aurait donné ces rencontres-là. Puis, en fin de compte, le choix a été bien fait. Oui, je pense qu'à quelque part, il y a une belle chimie qui s'est installée. Oui. Puis, donc, il y a eu un choix judicieux au départ des auteurs. En fait, pour présenter les auteurs, outre vous deux, du Québec, il y avait Jimmy Beaulieu et Julie Rochelot. Du côté lyonnais, c'était Marie Avril, Laurent Véron, Chloé Cruchaudet et Deloupi. On complimente un peu le choix des auteurs. Thomas-Louis, qu'est-ce qui a orienté un peu ta sélection de ton côté? Dans le fond, c'est un choix qui s'est fait en discussion avec Mathieu Diaz de Lyon BD. Ensemble, on a regardé un peu vers quoi on voulait s'en aller et sans nécessairement y aller sur des choix évidents parce que si on regarde dans les huit auteurs participants, c'est des styles différents, c'est des expériences différentes aussi. On parle d'un auteur comme Laurent Véron qui travaille sur la série de Boule et Bill, Chloé Cruchaudet qui a fait des choses plus personnelles, tu sais, Paul, Jeff, Jimmy, c'est vraiment des styles différents, mais on voulait travailler avec des gens avec qui on avait du plaisir à travailler aussi. Donc, c'est des gens qu'on connaissait pour d'autres projets, pour nos festivals respectifs. Donc, on savait qu'on aurait du plaisir à travailler avec ces gens-là et on espérait qu'ensemble, il y ait du plaisir aussi. Puis, c'est ce qui a été le cas aussi. Au-delà des styles graphiques, là, ce qui est peut-être le plus visible, mais au niveau des personnalités, je pense que les matchs ont été très bons. Et il y a eu quand même deux rencontres, une à Québec et une à Lyon, qui ont permis de d'affiner, si on veut, les amitiés qui se sont installées. Et en même temps, c'est un peu de sortir de sa zone de confort, parce que pour certains auteurs, je pense à Jimmy Beaulieu par exemple, si on se borne au côté québécois, il y a une habitude de l'autobiographique, de l'autofiction. Paul Bordelot, de ton côté, ben, tu t'as déjà fait de la caricature, tu as mis en scène à tout le moins ton opinion sans nécessairement mettre en scène ton quotidien. Pour JF, là, on est complètement hors champ. Autre chose. Complètement. Puis ben, ça m'a permis aussi d'expérimenter des styles graphiques différents. D'ailleurs, la première page que j'ai faite par la suite, je me suis aperçu que c'était pas tout à fait ça qu'il fallait que je fasse. Donc, j'ai repositionné mon dessin, mon style pour pouvoir faire les sept autres pages. Donc, je me suis cherché un peu dans les premiers temps sur ce projet-là. On a testé des affaires aussi. Hein? Ouais, vraiment, comme tu dis, là, ta première, puis les autres après, même au niveau du scénario, tu étais plus loin encore. T'expérimentes une façon aussi de narrative différente. Puis on a touché à des sujets assez, quand même, je suis pas chaud, mais sensibles. Tu sais, on parlait de... Ben, entre nous sur le site web WebTrip, donc on avait accès, les gens pouvaient lire en pré-publication les planches, les questions-réponses. Réponses, puis à un moment donné, ben veut pas, est arrivé la question sur Charlie Hebdo. Puis ben on, tous et chacun on avait notre opinion, fait qu'on est allé chercher des trucs un peu plus sensibles. Ouais, moi ça m'a aidé beaucoup. Moi j'ai bien aimé de Ben tu vois, moi par exemple, j'ai commencé en lançant une question complètement idiote. Alors tout après de Loupi arrivé avec sa question sur Charlie, fait, là, il y avait comme un décalage entre quelque chose de très très rigolo à quelque chose de très sérieux, très ça reflète bien un peu la variété des styles aussi. Ça permet, en fait, le ton des questions permet d'aller chercher différentes approches au niveau du scénario, au niveau de la mise en scène, au niveau du ton aussi. Avec un truc comme la bise, par exemple, pourquoi les Français s'embrassent tout le temps, ben on y va avec quelque chose de plus rigolo, limite un peu observation sociale, mais avec Charlie Hebdo, c'est aussi de l'observation sociale, mais là, on évacue complètement l'humour. Il y a vraiment des petites perles scénaristiques là-dedans, et dessin aussi. Julie Rochelot a fait un super beau travail de couverture avec Laurent Véron, puis elle aussi, elle avait jamais fait d'auto-bio, Julie, puis on nous avait demandé au départ, je me rappelle, Thomas Louis nous avait dit que si on était capable de créer un personnage autour de nous, tu sais, s'inventer un personnage qui était pas, ben, qui était nous, mais ça pouvait être un ours. On n'est pas trop allé vers ça. Moi, je me suis vieilli un peu. Ouais, moi, je me suis vieilli de peut-être 10 ans. Julie est devenue une abeille. Donc, comment elle s'appelle, donc? Petra Pétrin. Puis, ça y va super bien. Mais on a pu capter des petites aventures qui s'est passées quand nous, on est allés cet été pendant le festival. Il s'est passé des choses. On est allés, mettons, faire du jogging avec Julie. Je pense que la petite aventure qu'on a vécue là-bas nourrit aussi notre compte rendu. Oui, puis en fait, j'aurais envie de te faire du pouce un peu là-dessus, Paul, dans la mesure où, de ton côté, on t'a moins vu dans la BD d'action et t'as décidé de t'amuser un peu avec à faire un pastiche. Ouais. On parlait du sans-filet, mais pour JF, c'était beaucoup l'auto-bio. C'était jamais lancé, toi, de ton côté, l'action. Est-ce que c'est un peu une occasion que tu t'es donnée en disant, OK, on va s'amuser, on va faire un pastiche, alors c'est lousse un peu? Oui. Ben, c'est ça. Moi, j'arrive sur l'île Barbe, puis je rencontre dans notre compte rendu. Fallait, en Europe, ils ont fait plus un compte rendu vraiment de ce qui s'est passé ici. Moi, Jeff a complètement parti sur un délire avec une photo qu'on avait prise sur place, puis on a créé le groupe de correspondants. Donc Jeff a inventé qu'on était un groupe rock, puis ça marche super bien. L'album se termine avec ça derrière, là, puis c'est super beau. Puis moi, j'étais allé plus faire une histoire cocasse sur l'île Barbe, parce que j'ai une barbe, puis l'île Barbe existait, mais j'avais rencontré un journaliste là-bas, Raphaël, qui m'avait expliqué l'île Barbe, Napoléon était allé là et tout. Il voulait finir ces jours-là, mais j'en ai pas parlé du tout de Napoléon, mais ben, le lieu était très, très, très inspirant aussi. Là. Julie a parlé des fameuses trappes boules, c'est ça? Les petits passages secrets qu'il y a à travers Lyon. Puis, non, c'est ça. Moi, j'étais allé dans l'aventure. J'ai complètement décroché. Je me suis dit, on a fait pas mal de taux bio dans les quelques planches de questions-réponses. Puis, j'avais plus le goût d'y aller, là. Je t'ai dit, on va aller ailleurs. Mais surtout que si vous aviez vu ce que les auteurs français avaient livré à Québec, qui était beaucoup plus, justement, dans le descriptif, dans le journal de voyage, mais de votre côté, est-ce que c'était aussi un peu en réaction à ça, en disant, on les a pas vus avant. OK, vous avez pas vu avant. On n'a rien vu, nous. On a découvert leur compte rendu. Les comptes rendus n'ont pas été mis sur le WebTrip, la page WebTrip Internet. Donc, c'était juste les questions-réponses qui permettaient un peu de... Parce qu'il y avait certains éléments qu'on voulait garder aussi pour la publication, pour éviter que tout ait été vu déjà. Donc, les gens qui ont suivi les échanges sur WebTrip vont avoir une part de contenu inédit aussi dans l'album. Là. Et donc, Thomas-Louis, en fait, c'était, dès le départ, il y avait l'idée d'une publication, au final. C'était pas un projet qui... C'était la volonté de départ, parce que le projet initial de correspondance, c'était la version web. Mais avec une intention éventuellement d'en faire une publication. Fait qu'on a travaillé vers ça durant la production là, pour voir comment on pourrait l'éditer ou se faire éditer. Et au final, ben, on a fait une coédition avec directement avec le Festival de Lyon. Ça fait un magnifique album à mettre dans un bon Noël. Non, mais c'est vrai, il est parfait, il est pas trop gros, il rentre dans le bon Noël, puis il est pas trop cher, il est disponible partout. Dans plusieurs librairies, dont la librairie Pantoute, qui est un bon partenaire. Oui. Et sinon aussi, vous pouvez nous envoyer un courriel via notre site internet pour savoir comment mettre la main dessus. Et dans le contexte, en fait, peut-être des collaborations, déjà les festivals amènent un peu la cohabitation entre les auteurs, mais parallèlement, est-ce qu'on a l'impression qu'un projet comme ça, pour l'échange, en fait, pour apprendre mutuellement, est-ce qu'il y a une utilité au-delà du plaisir de créer pour les auteurs de votre côté? Parce qu'en même temps aussi, vous amenez même, à un moment donné, je pense, la question, c'est, je sais pas si c'est Jimmy ou toi qui l'a amené, mais sur l'idée que quand on va en voyage, ben, on reste parfois un peu entre nous, mais finalement... Je pense que c'est Jimmy qui a parlé. Mais finalement, ça nous crée aussi, ça renforce la relation entre auteurs d'un même endroit. Parce que dans le fond, par exemple, moi cette année, j'étais allé à Saint-Malo, j'ai retrouvé de Loupy. Donc on le sait que dans d'autres festivals, on va les recroiser, on va les revoir. Ça va être des gens qu'on a déjà fait des liens. Donc ben oui, de Loupy qui a une maison d'édition là-bas d'ailleurs. C'est ça, de Loupy est éditeur aussi. Donc peut-être qu'il va y avoir des. Il y a un projet, moi, que j'ai avec lui en ce moment. Mais tu sais, je veux dire, ça crée des ponts. Mais c'est vrai qu'entre nous, moi, j'ai découvert Jimmy Beaulieu que je connaissais depuis longtemps. Mais passer du temps avec Jimmy, fermer des bars avec Jimmy, Thomas Louis, puis Jimmy. des bars de Lyon aux petites heures du matin. Ben, écoute, c'était croustillant. Il y a eu des parties qui sont allées dans des scénarios là-dedans. Là. On n'a pas le choix. Dans n'importe quelle délégation ou festival où des auteurs québécois vont ensemble, je veux dire, les gens de Québec et de Montréal, par exemple, se connaissent, mais se fréquentent pas nécessairement régulièrement. Donc, d'être isolés à l'étranger ensemble, ça permet de se rapprocher beaucoup puis de faire souvent des belles découvertes. C'est vrai, ça. Oui. Puis la correspondance avec les Français permet justement aussi pour nous d'avoir un pied de plus dans la communauté des auteurs de bande dessinée. Juste les croiser pendant un festival, exactement. Pendant trois jours. Donc, d'avoir un lien un peu plus direct. Puis, c'est des nouveaux amis, comme on dit. Mais, Puis il était question, parce qu'on a eu l'occasion de retourner à Lyon pour faire le lancement de l'album lors des entretiens Jacques Cartier, puis de faire aussi une rencontre autour du thème de la collaboration Québec-Rhône-Alpes en bande dessinée, puis de revoir les auteurs, de se retrouver à nouveau pour sans avoir à poursuivre le projet nécessairement. Mais il y a déjà eu des gens, comme Laurent Véron, entre autres, qui ont évoqué l'idée d'essayer de poursuivre, sans le faire nécessairement de façon formelle, comme on l'a fait avec le site web et tout, mais de s'amuser à explorer de ce côté-là, pour justement sortir de la routine. Tu sais que Laurent, lui, s'est vraiment éclaté, parce qu'il fait ses boules et billes depuis quoi, 12-15 albums, je me rappelle pas, puis il fait un Spirou là, qui va sortir l'année prochaine, on a le droit de le dire, il l'a mis sur Facebook. Oui, on en a parlé dans l'entrevue au festival. Puis il l'a mis sur sa page Internet, il a mis quelqu'un. Mais c'est pas un scoop, mais lui, il a essayé des trucs là, avec des matières pour dessiner, je parle. Là, ça lui a fait du bien, il a fait du collage. Non, il me l'a dit, ça m'a vraiment fait du bien faire ce projet-là, puis ça va peut-être même inspirer d'autres albums au niveau technique, là, au niveau de la matière, de la popote. Là. Puis de votre côté, est-ce que ça vous a fait du bien aussi? Est-ce que ça a inspiré des projets? Tu parlais un peu d'amorce. Dans mon cas, moi, ça m'a un petit peu décoincé sur justement un style un peu plus jeté, un peu plus humoristique, là. Mais de là en faire un projet complet, je sais pas là. Pour l'instant j'en suis pas rendu là. Faudrait le lire à peu près ça, aller sur ta page d'auteur puis t'envoyer des courriels si on a trouvé ça bon là, dire, Jeff, un album humoristique. Ouais, c'est ça. Si j'ai une pression sociale forte, peut-être que là je vais faire l'effort. Il y a un Woody Allen dans Jeff, il sait pas là, mais c'est vraiment drôle ces petites planches là, parce qu'il se déguise tout le long de l'album. C'est pas des petites planches, c'est des planches. non mais les réponses c'est une planche. Bon. C'est one shot, comme on dit. Puis il s'est déguisé, je sais pas en combien de personnages dans tout l'album. Là. Puis enfin, en sautant, on le mentionnait tantôt, mais je trouve que ça vaut la peine de le souligner de manière un peu plus accentuée. Mais je prends l'exemple, Paul, de ton côté, on parlait des planches très humoristiques, très légères, comme l'île de Barbe, mais en parallèle, Charlie Hebdo, où tu as une réponse quand même assez dense. On est à la limite, en fait, d'un mini-texte poétique, philosophique, illustré aussi. Là, on va chercher dans deux créneaux très différents. Oui, ça dépendait de la question, en fin de compte, c'est ça. Puis on posait des questions aussi, mais moi, j'ai posé des questions sur vos objets fétiches, puis on est allé... on a découvert Chloé Crouchaudet. Ouais. Vous lirez l'album, là, sa jeunesse, qu'on savait pas. Là. Finalement, les gens sont plus dévoilés dans ce genre de questions-là que dans une question sur Charlie ou sur... Parce qu'il n'y avait pas une obligation des gens de répondre non plus. Donc, quand les questions étaient lancées, ceux qui voulaient y répondre le faisaient. Je regarde la question que Jeff a lancée sur la bise, qui était destinée aux Français. Il y a juste les Québécois qui ont répondu. Mais c'est une drôle de façon de voir les différentes perceptions de ça, mais du point de vue québécois. Et justement, bon, en terminant, juste pour placer un peu le contexte plus large, qu'est-ce qui vous était demandé précisément? Est-ce qu'il y avait un nombre de planches? Est-ce qu'il y avait un cadre très précis? Un minimum que vous vous êtes amusé à dépasser? Ou C'était 8 planches qui nous étaient demandées. On a dépassé un peu. Moi, j'aurais dû dépasser parce qu'il y a certaines pages que j'ai trouvées peut-être un peu denses lorsque je les ai réalisées. Okay. Puis dans le fond, j'aurais peut-être pu élaborer ça sur 2 pages avec le même nombre de cases, puis ça aurait aussi bien passé. Mais c'était 8 pages qui avaient été demandées. Par auteur, donc c'est un album d'une centaine de pages. Peu 96 près. Pages. Oui, c'est ça. Mais c'est ça, il y a certains auteurs qui ont dépassé... De loupi. De loupi. De simple au double à chaque fois. Lui, il dépasse tout le temps de loupi. Il est irarrêtable, ouais, c'est ça. Alors, ça s'appelle Correspondance. Donc, entre autres, Jimmy Beaulieu, De Loupi, Paul Bordelot, Chloé Cruchaudet, Marie-Avril, Julie Rochelot, Laurent Véron, JF, à Québec, disponible dans certaines librairies, dont Pantoute également. On peut contacter le festival en ligne pour mettre la main sur le livre. Même chose pour le reste de la province, d'ailleurs. Alors, Thomas-Louis Côté, directeur général du Festival de la bande dessinée francophone de Québec, JF, Paul Bordelot, merci à vous trois. Merci à toi. Merci bien.